un assassinat, je fais la passe anima. C'est Hef l'enfoiré et les Metallica. Dans les tribunaux comparés dans l'immédiat. Dans les cités, je suis pas trop dans les médias. Je suis de la BR qui vient fort de Breda. Je traîne avec Dimas ou les Reda. Posé chez moi, j'entends Artena. Les types, les keufs, nous t'aimons. Quelques jaloux ne veulent pas qu'on témoigne. Y'a les indiqués, les poucas qui témoignent. Verre de Jack, ta frappe, ta gaffe, faut que tu t'éloignes. Plus de schlata qui vient sûrement d'Amsterdam. Aujourd'hui même, ils ont libéré Nima. Libéré Nima, c'est un assassinat. C'est Rush l'enfoiré, les Metallica. Vénézuélien, t'es mal les techniciens, mathématiciens. René Pécho de la coca et du raisin. Ravitaillement pour tous les gueux chanquements. Argent facilement, c'est pour mieux gémant. Pablito Rama, la Tony Vida Loca. 38 spécial, machin qui démange. 11-43 au cas où si tu déranges. Il faut que je m'en sors en faisant bosser ta sœur. Deuxième couplet, c'est bon, tu peux t'asseoir. D'après les rumeurs tellement riches dans son cul, y'a un traceur, tracker. Dans mon secteur, dealer, braqueur.